Tous les enfants, sauf un, grandissent. Apprend-on à la lecture des premières lignes de Peter et Wendy. Lorsque ce roman paraît en 1911, le jeune garçon et son ombre facétieuse étaient déjà bien connus du public londonien. La plupart des enfants étaient familiers de la famille Darling et avaient assisté sur scène aux aventures de Wendy, John et Michael. Ils les avaient regardés avec envie, s'envoler aux côtés de Peter Pan et de sa fée, découvrir le pays du jamais, rencontrer les garçons perdus, se baigner dans le lagon des sirènes, sauver Listigré, la fille du chef indien, d'une mort certaine, croiser le fer avec des pirates terribles, bref, frôler la mort un nombre incalculable de fois, car à l'instar du crocodile et de son réveil, la mort rôde toujours et partout au pays du jamais, pour finalement triompher du capitaine Crochet et retrouver la chaleur de leur foyer de Londres, où ils vieilliront et finiront tous par mourir. Tous, sauf un. Depuis sa première apparition, Peter Pan a connu de nombreuses versions, à commencer par celle de Walt Disney, réalisée en 1953, qui contribua largement à la renommée internationale de l'enfant qui ne voulait pas grandir. Aujourd'hui, l'image du jeune garçon, de la fée Clochette, du capitaine Crochet et du pays du jamais, Neverland, ou le pays imaginaire, d'après la traduction française, plus répandue, demeure indissociablement liée au travail du réalisateur américain, alors qu'à la figure même de l'auteur écossais James Matthew Barry, a pratiquement disparu derrière l'ombre de son personnage. Le cinéma lui a pourtant rendu hommage, souvenez-vous, en 2004 avec le film Finding Neverland de Mark Forster, mettant en scène James Matthew Barry, incarné à l'écran par Johnny Depp, et son amitié avec la famille Llewelyn Davies, qui lui inspira la création de Peter Pan et de ses aventures. Depuis plus d'un siècle maintenant, les représentations de Peter Pan se sont multipliées et de nombreux artistes, que ce soit au cinéma, au théâtre, en littérature, dans la bande dessinée, entre autres domaines dans la psychologie, se sont emparés de la créature de Barry pour en raconter l'histoire. Peter Pan peut bien prétendre et crier haut et fort son refus de grandir, mourir lui semble tout aussi impossible, si bien qu'il hante notre imaginaire après avoir hanté son auteur durant des années. Vous l'aurez compris, je vous parlerai aujourd'hui de Peter Pan, non pas tel qu'adapté très librement par les studios Disney, mais tel qu'imaginé par son créateur et porté à la scène pour la première fois en 1904, le 27 décembre très exactement, à Londres. Aussi, d'emblée, je préfère vous mettre en garde. Peter Pan n'est pas ce gentil garçon rieur que les studios américains nous ont donné à voir dans une version très, parfois trop édulcorée de ses aventures. Il est cruel, il est tyrannique, égoïste, égotique, vantard, sans cœur, comme tous les enfants, d'après Barry. D'ailleurs, dans les premiers brouillons de la pièce, il n'était fait aucune mention du capitaine Crochet. Le dramaturge n'avait nullement besoin d'un vilain, il en avait déjà un sous la main. Peter, un garçon démoniaque, vilain de l'histoire, écrit-il dans un de ses carnets de notes. Arrachez le masque du capitaine Crochet et vous y découvrirez sans doute Peter Pan lui-même, comme le suggère Barry à de multiples reprises dans le roman de 1911. On murmure que la première nuit où il porta le costume que Wendy lui avait confectionné, malgré elle, à partir des vêtements les plus vils du capitaine, il resta longtemps assis dans la cabine, le porte-cigare de Crochet à la bouche et tous les doigts de la main gauche repliés sauf l'index, qu'il gardait arrondi et soulevait d'un air menaçant comme un crochet. Ou encore dans les didascalies de la pièce, telles que publiées pour la première fois en 1928 seulement, soit plus d'un quart de siècle après la première production de la pièce. Alors que Crochet donc vient de plonger dans la gueule grande ouverte du crocodile, incarnation du temps dévorant, le rideau se lève et le lecteur découvre Peter Pan sur le navire du capitaine. On lit. Le rideau se lève, et ne se lèvera pas, de peur que l'on ne découvre cette fois à la poupe, avec le chapeau et les cigares de Crochet, et aussi avec une griffe d'acier. Crochet serait-il un enfant qui aurait mal tourné? Après tout, la piraterie était un penchant des propres garçons de Peter. Peter Pan et les garçons perdus, le capitaine Crochet et les pirates, deux visages pour une seule et même personne, Ou serait-il possible qu'une relation plus intime unisse ces deux personnages qui semblent irrémédiablement attirés l'un par l'autre, à tel point que le capitaine Crochet tienne son nom et sa raison d'être de son ennemi juré à qui il doit son crochet. Crochet. Celui que je veux plus que tout, c'est leur capitaine, Peter Pan. Celui qui a coupé ma main. Il y a longtemps que j'espère pouvoir lui serrer la main avec ceci. Avec exubérance. Oh, je vais le mettre en charpie. Smee, plus connu sous le nom de Monsieur Mouche, toujours partant pour faire un brin de causette. Je vous ai souvent entendu dire que votre crochet était plus efficace que toutes les mains pour ce qui était de se peigner et autres usages domestiques. Crochet, si j'étais une mère, je prierais le ciel pour que mes enfants naissent avec ceci plutôt qu'avec ça. Il glisse nerveusement son bras gauche derrière lui. Il vient d'avoir un souvenir irritant. Smee. Pépan a balancé ma main à un crocodile qui passait par là. J'ai souvent remarqué votre peur étrange des crocodiles. Moussad, pas des crocodiles, mais de ce crocodile-là. Il met son cœur blessé à nous. Cet animal a tellement aimé ma main, Smee, que depuis il me poursuit, d'une mer à l'autre, d'un pays à l'autre, en se léchant les babines pour ce qui reste de moi. Tu regardes toujours les bons côtés des choses. D'une certaine manière, c'est une sorte de compliment. Crochet avec dignité. Je ne veux pas de tels compliments. Je veux Peter Pan, celui qui lui a donné du goût pour moi. Smee, ce crocodile aurait déjà dû m'avoir, mais par chance, il a avalé une horloge qui fait tic-tac à l'intérieur de son estomac. Et avant qu'il ne puisse m'atteindre, j'entends le tic-tac et je m'esquive. Il émet un grondement caverneux. Une fois, je l'ai entendu sonner 6 heures. Sombrement, Smee. Un jour, l'horloge va s'arrêter. Et alors, il vous aura. Mais revenons-en à Peter. Retirez-lui un autre masque et vous découvrirez peut-être cette fois le visage de James Matthew Barry lui-même. Peter et Crochet, ou les deux mains d'écrivain devenues ambidextres suite à une terrible crampe à la main droite. Il est évident, écrit Barry, qu'à la main gauche, nos pensées sont plus sombres. Rétréci d'un morceau de sa main droite, James Crochet semble incarner la part sombre, de notre auteur, chez qui vie et œuvre sont étroitement liées. Il passe des rêves à la réalité comme il traverserait du papier de soie, peut-on lire à propos de Tommy Sandys, l'un des héros de Barry. L'histoire de Peter Pan et du capitaine Crochet, bien entendu, est profondément enracinée dans celle de son auteur. Aussi, quiconque tente d'attraper l'ombre fuyante de Peter Pan doit également remonter les traces du passé de l'étrange petit Écossais et approcher quelques-uns des fantômes qui tiennent la plume derrière le dos du grand écrivain. D'où le titre de ma présentation aujourd'hui, James Matthew Barry, Peter Pan et Capitaine Crochet, un jeu d'ombre. Et mon objectif, vous donner à voir la genèse du personnage de Peter Pan afin de vous sensibiliser aux multiples jeux et enjeux du texte, ou plutôt des textes de Peter Pan. Mais méfions-nous, à l'instar de notre auteur, des biographies. Et contentons-nous de quelques éléments, communément relevés par les critiques, qui semblent éclairer sous un jour nouveau le pays du jamais et ses habitants. Certains de ces éléments nous viennent de Barry lui-même, jamais directement, mais par l'intermédiaire de ses écrits littéraires. Car les œuvres fictionnelles de Barry sont aussi autobiographiques que n'est fictionnelle la biographie qu'il consacra à sa mère, Margaret Ogilvy, dans « Le portrait de Margaret Ogilvy » par son fils. De Kirriemuir à Londres. Si James Matthew Barry naquit le 9 mai 1860 dans la petite ville écossaise de Kirriemuir, l'histoire de Peter Pan et de son auteur débute quant à elle à la mort du frère de ce dernier, David Barry. Jusqu'à ses 6 ans, le petit James vécut, semble-t-il, dans l'ombre de son frère, second fils du couple Barry Ogilvy et enfant prodige aux yeux de sa mère. Pourtant, en janvier 1867, à l'aube de ses 14 ans, David mourut prématurément suite à un accident de patin à glace devenu un peu légendaire dans l'histoire de Barry. James Barry garde peu de souvenirs de cet incident traumatique, mais la mort de ce frère eut des incidences profondes sur la vie et l'œuvre du futur écrivain, notamment par les effets que ce drame eut sur la mère des enfants Barry et la relation que le jeune James put entretenir par la suite avec elle. À partir de ce jour, sa santé fut délicate et pendant des mois, elle demeura malade, écrit-il. Un jour, Jane Ann, la sœur aînée de l'écrivain, vint le trouver. Elle m'incita à aller au chevet de ma mère, afin de lui dire qu'il lui restait un petit garçon. Je me rendis donc à son chevet. Au bout d'un moment, j'entendis une voix dolente que je ne reconnus pas me demander. « Est-ce toi ?» Je pense que le ton me blessa, puisque je ne répondis pas. La voix reprit avec plus d'inquiétude. « Est-ce toi ?» Je pensais qu'elle s'adressait au petit garçon mort et je dis d'une voix faible d'enfant esselé. « Non, ce n'est pas lui, ce n'est que moi. » L'enfant se mit alors en devoir de redonner le sourire à sa mère et de lui faire oublier l'autre. Par un jeu de mimétisme troublant, il se mit à désirer ressembler à son frère, disparu de telle sorte que sa propre mère ne pouvait pas les différencier. Il imita les manières de David, son sifflement notamment, revêtit les habits du défunt et ainsi déguisé, se présenta devant sa mère. « Comme elle dut être blessée, écrit-il. » Elle lui survécut 29 ans, mais je ne parvins pas à lui faire oublier cette part d'elle-même qui était morte. Pendant ses 29 ans, elle ne s'est pas éloignée de lui ni de cette journée funeste d'une seule pensée. Quand je devins un homme, il n'avait pas cessé d'être un garçon de 13 ans. Margaret Ogilvy aurait trouvé un certain réconfort dans la pensée que David, en mourant prématurément, demeurerait pour toujours un petit garçon, de l'enfant mort à l'éternel enfant. Barry puisa, quant à lui, dans cette pensée, l'inspiration de toute une vie. Et voilà que la jeunesse éternelle de Peter Pan apparaît sous un nouveau jour. Le titre de la pièce « The Boy Who Wouldn't Grow Up » ou, selon la traduction traditionnelle française, Peter Pan ou l'enfant qui ne voulait pas grandir, laisse à penser que Peter Pan ne veut pas grandir, donc il le clame haut et fort, à la fin de la pièce notamment. « Je ne veux pas aller à l'école et apprendre des choses sérieuses. Personne ne m'attrapera, madame. » Il s'adresse à la mère des enfants, Wendy, John, Michael. « Personne ne m'attrapera, madame, et ne fera de moi un homme. Je veux pour toujours être un petit garçon et m'amuser. » Mais si l'auxiliaire « wouldn't » peut exprimer un refus, il traduit également en anglais « une impossibilité, une incapacité », ce dont rencontre Barry dans les didascalies de la pièce. Donc, Peter Pan vient de dire « Je veux pour toujours être un petit garçon », dit Dascali. Peut-être pense-t-il ainsi, mais c'est surtout sa plus grande feinte. Que penser par ailleurs du fait que Peter Pan perde son nom, ce qui est en général assez de mauvais augure dans la littérature. Que penser par ailleurs du fait que personne ne puisse le toucher, qu'il soit aussi léger que l'air, ou encore qu'il lui soit impossible de réintégrer le foyer familial. Rien n'est dit de manière claire. Plein de choses laissent sous-entendre une possibilité. Dans un de ses carnets de notes, Barry écrit, des années après la première production de Peter, « C'est comme si, longtemps après avoir écrit Peter Pan, sa véritable signification m'apparaissait. Une tentative désespérée de grandir, mais une incapacité à le faire. » Mais n'anticipons pas. Le futur écrivain n'a alors que 6 ans et il lui en faudra encore 36 de plus avant qu'il ne présente Peter Pan à ses lecteurs. Le rôle qu'il joua en endossant les habits de son frère constitue sans doute le premier des multiples rôles que Barry se donna à lui-même et ce, dès son plus jeune âge, que ce soit au théâtre, dans la buanderie de sa maison d'enfance, qui apparaît dans Peter Pan d'ailleurs, dans la vie réelle, lorsqu'il revêtait les vêtements de deuil d'autres enfants, afin que ceux-ci puissent aller jouer sans crainte de se salir, c'est toujours lui qui raconte ça, ou dans la fiction. La plupart des œuvres fictionnelles de Barry constituant toujours l'opportunité pour lui de se mettre en scène, en se travestissant à peine sous les traits de tel ou tel de ses personnages. Céline Albin-Fèvre, fine critique et traductrice de l'œuvre de Barry, écrit à ce propos. Barry empruntait la peau de personnage pour écrire. Sauf que cette peau n'était jamais que la sienne, pour qui sait lire ce qui ne se cache même pas entre les lignes, mais s'expose avec une forme d'impudeur derrière le transparent paravent de l'humour, de l'ironie ou de la dérision. Il se dissimulait donc l'idée, pourtant pleinement ancrée dans sa conscience, que le personnage et lui ne faisaient qu'un, en assumant son propre rôle, celui d'écrivain. Suite à la mort de son frère, le jeune James noue avec sa mère une relation très particulière, d'après ce qu'il nous laisse entrevoir à travers son œuvre, entre haine et adoration. En effet, s'il consacra à la gloire de cette femme inconnue tout un livre, qu'il prétend avoir écrit en pleurant, l'un des premiers titres que Barry donna à la pièce de Peter Pan nous livre une toute autre histoire et semble nous révéler une vérité bien plus sombre. The Boy Who Hated Mothers, le garçon qui haïssait les mères. Le narrateur du roman de Peter Pan partage d'ailleurs avec son auteur et le héros de son histoire des sentiments mitigés quant aux mères, comme en témoignent notamment ces quelques lignes à propos de Madame Darling, la mère des enfants. Je pensais dire des extraordinairement belles choses à son sujet, mais je la méprise, et maintenant je n'en dirai pas une seule. Un peu plus loin. À présent que nous la regardons de près, je m'aperçois que je serai finalement incapable d'en dire de méchantes choses. Par ailleurs, à l'origine, l'acteur qui devait incarner le capitaine Crochet était une actrice, de même pour Peter Pan, toujours interprétée dans les premières productions de la pièce par une femme, Dorothea Baird, qui avait été choisie pour interpréter également le rôle de la mère des enfants. Quoi qu'il en soit, c'est pourtant bel et bien, toujours d'après ce qu'il nous en dit dans la biographie qu'il lui consacre, aux côtés de sa mère que le jeune Écossais prit goût à la lecture et rapidement à l'écriture. Petit garçon, nous lisions beaucoup de livres ensemble. Robinson Crusoe fut le premier et le deuxième. Une île, un naufrage, sont donc à l'origine de sa passion dévorante pour la lecture dont témoigne toute l'œuvre barrienne, truffée de références multiples empruntées notamment à deux de ses héros, deux compatriotes écossais, Robert Louis Stevenson d'un côté et Robert Michael Ballantyne de l'autre. Il entretint avec le premier une correspondance qui lui inspira notamment la localisation de Neverland, la deuxième à droite et tout droit jusqu'au matin. Mais plus généralement, l'île au trésor compose une sorte de toile de fond à la scène barrienne. Certains des pirates de Barry, à commencer par le plus terrible d'entre eux, ont croisé la route des vieux loups de mer de Stevenson. Du capitaine Crochet notamment, on dit qu'il est le seul homme que le coq, ou barbecue, n'eût jamais craint. Or, les mots barbecue, de même que seacock, ou le coq, en français, issus de la terminologie marine et désignant le chef cuisinier sur un bateau, sont deux appellations de Long John Silver, également amputé d'un membre, la jambe gauche, et dont on dit, chez Stevenson, dans l'île au trésor, qu'il est le seul homme que Flint eût jamais craint. Du second, donc Ballantyne, il faut remarquer l'importance du pour Barry du roman L'île de corail, un conte de l'océan Pacifique de 1858. Roman à propos duquel Barry écrivit dans une préface de 1913, « To be born is to be wrecked on an island ». Naître, c'est faire naufrage sur une île. Alors en français, ainsi que le note Franck Thibault, qui est le traducteur de la pièce de Peter Pan, cette phrase résonne étrangement avec la vie de l'auteur. Naître, c'est quitter la mer, M-E-R, mais finalement la mer, M-E accent grave, R-E, tout en demeurant, paradoxalement, encerclé. Revenons-en donc à Barry et à sa mère. Outre les histoires qu'ils lisaient ensemble, Margaret Ogilvy raconta au jeune James des récits à propos de son enfance à elle, et du vieux Kirriemuir, rebaptisé Trumps sous la plume de Barry. Alors, ces récits d'une Écosse depuis longtemps disparue fournirent à l'écrivain la matière de ses premiers écrits, comme Otley Idylls en 1888, A Windows in Thrums en 89, ou encore The Little Mister en 1891. Alors, les titres que je donne parfois, j'avoue, péniblement en anglais, renvoient à des œuvres de Barry pour lesquelles il n'existe pas de traduction française. Mais c'est sans doute l'image de sa propre mère enfant qui marqua le plus durablement l'écrivain. Ses innombrables conversations avec elle m'ont rendu sa jeunesse aussi présente que s'il se fût agi de la mienne, et en outre, bien plus pittoresque, car aux yeux d'un enfant, l'idée qu'autrefois sa propre mère fût également un enfant est bien la chose la plus étonnante de toutes. Elle avait 8 ans lorsque la mort de sa mère fit d'elle la maîtresse de maison et qu'elle la remplaça auprès de son petit frère. Margaret Ogilvie avait le don de se faufiler dans les histoires de son fils, écrit-il. Et cette petite fille, devenue mère de substitution pour son jeune frère, s'est envolée pour le pays du jamais avec Peter sous le trait de Wendy, prenant soin des garçons perdus et leur contant des histoires. Lorsqu'il quitte sa ville natale enfin afin de poursuivre sa scolarité, le jeune Barry est alors âgé de 13 ans. La légende veut que les arbres dans certains jardins de Dumfries soufflèrent à Barry l'idée de des entrées multiples à la maison sous la terre, refuge de Peter Pan et des garçons perdus. Ce qui est certain cependant, c'est qu'il y joua aux pirates, aux indiens, avec d'autres de ses condisciples, toujours nourris par d'innombrables lectures. Outre ces jeux, Dumfries permit au jeune Barry de développer son intérêt pour le théâtre, et il y écrivit sa première pièce de jeunesse, Bandelero de Bandit. Barry fut ensuite envoyé à l'université d'Édimbourg, il obtint le diplôme de master en art, il s'engagea alors dans la carrière de journaliste, des journaux, le Nottingham Journal puis le St. James Gazette à Londres notamment, Barry passa aux revues puis aux livres. Or, suite au succès de ses récits consacrés à Trumps, donc l'appellation de Kyrie Moore dans la littérature, la fortune et la renommée furent assurées au jeune écrivain qui se distingua également très vite en tant que dramaturge avec Ifs and Goes ou encore Walker London. En 1894, il épousa Mary Ansell, une actrice renommée de la scène de Walker London. Le couple Barry n'eut jamais d'enfant et malgré l'affection qu'ils eurent très certainement l'un pour l'autre, ils divorcèrent en 1909. Les romans Sentimental Tommy en 1896, et surtout Tommy et Grizel en 1900, font écho au naufrage du mariage du couple Barry. À l'instar de son héros, l'auteur semble s'être trouvé incapable d'aimer son épouse comme il l'aurait dû. Grizel, je semble être si différent de tous les autres hommes. Il me semble être victime de quelque malédiction m'empêchant de vous aimer comme eux. Je veux vous aimer, mon adoré. Vous êtes la seule femme que j'ai jamais désiré aimer, mais selon de toute évidence, je ne le puis. Un peu plus loin encore, je pense que je vous aime à ma manière, mais je pensais que je vous aimais comme eux, et cette façon est la seule qui ait de l'importance dans leur monde. Il ne me semble pas que ce soit le mien. Pauvre Tommy. Il était toujours un garçon, essayant quelquefois, comme à présent, d'être un homme. Mais toujours, quand il regardait autour de lui, il revenait en courant vers son enfance, comme s'il la voyait lui tendre les bras et l'inviter à revenir et à jouer. Il était si épris du fait d'être un garçon qu'il ne pouvait grandir. Ce qui n'allait pas avec Tommy, c'est qu'il ne pouvait demeurer à jamais ce garçon. Et Grizel comprit en fin de compte la raison de la tragédie de son amour pour Tommy. Il n'était qu'un garçon. Elle savait que, malgré tout ce qu'il avait traversé, il n'était encore qu'un garçon. Et les garçons ne peuvent aimer. Oh, qu'est-ce que c'est cruel de demander à un garçon d'aimer. Il ne l'aimait pas. Pas comme je l'aime, se dit-elle à elle-même. Pas comme des gens mariés doivent s'aimer, mais de l'autre manière, il m'aime chèrement. Par l'autre manière, elle voulait dire qu'il l'aimait comme il aimait Elspeth, sa sœur, et il les aimait toutes les deux de la même manière qu'il les avait aimées lorsque tous les trois jouaient dans le repère. Il était un garçon qui ne pouvait pas grandir. La tragédie de Tommy et Grizel sera rejouée par Peter et Wendy. Peter semble ne pas comprendre ce qu'attendent de lui Wendy, Clochette ou encore Listigray. Il est incapable de répondre à leurs avances et d'éprouver d'autres sentiments que ceux d'un fils envers sa mère. Cette incapacité est au cœur de la rupture entre Peter et Wendy à l'acte 4, la maison sous la terre, dont on trouve une scène similaire au chapitre 10 dans le roman. Peter effrayé. C'est seulement pour de faux, n'est-ce pas, que je suis leur père ? Baissant la tête, oh oui. Son soupir de soulagement ne tient aucun compte de ses sentiments à elle. Mais ce sont nos enfants, Peter, à toi et à moi. Déterminé à parvenir aux faits, les seules choses qui le laissent perplexe. Mais pour de vrai ? Pas si tu ne veux pas. Je ne veux pas. Wendy, qui sait qu'elle ne devrait pas approfondir, mais quelque chose en elle l'y pousse. Quels sont exactement tes sentiments pour moi ? Ceux d'un fils dévoué, Wendy. C'est ce que je pensais. Tu es si énigmatique. Listigray est pareil. Il y a quelque chose qu'elle veut être pour moi, mais elle dit que ce n'est pas ma mère. Non, vraiment ? Alors qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas à une dame de le dire. Le rideau de la chambre de la fée s'ouvre légèrement, et Clo, qui a sans doute écouté la conversation, tintinabule d'un rire dédaigneux. Importunée. Je suppose qu'elle veut dire qu'elle veut être ma mère. Le commentaire de Claude est « espèce d'imbécile ». Wendy, qui a saisi quelques-uns des mots de la fée, « je suis plutôt d'accord avec elle ». Peter peut bien prétendre être le père des garçons perdus, mais toujours pour de faux. Avoir un enfant, c'est passer de l'autre côté, irrémédiablement, écrit joliment Céline Albin Fèvre encore. Celui qui ne grandit pas, qui demeure un enfant, en somme, ne peut procréer. Il convient donc de refouler ou de réfuter la sexualité qui est un piège pour faire sortir l'adulte caché dans l'enfant, un appât. En niant la mort par son refus de grandir, il doit aussi nier la création, dont ce monde, le pays du jamais, est celui qui n'a ni début, ni fin ou mort. Dans son effort pour nier l'existence d'un début, Peter Pan doit nier la sexualité qui est impliquée au cœur du processus de création. L'avant-dernière scène, toujours de la pièce, témoigne encore du tragique de la relation de Peter et Wendy. Wendy, si notre petite fille, une plus jeune que moi, elle n'arrive pas à poursuivre. Oh Peter, comme j'aimerais t'emmener te dorloter. Il s'écarte. Personne ne peut le toucher. Oui, je sais. D'une certaine manière, Peter comprend ce qu'elle veut dire par « oui, je sais ». Mais de toute façon, il ne veut pas. Cela a quelque chose à voir avec l'énigme de son être. S'il pouvait arriver à comprendre le sens des choses, son cri deviendrait « vivre devrait être une sacrée aventure ». Mais il n'arrive pas à comprendre ces choses-là, et donc personne n'est aussi gai que lui. Outre cette résonance frappante entre les deux œuvres, témoignant déjà de la récurrence de certains thèmes et motifs dans l'œuvre barienne, très souvent tissée finement avec la vie de l'auteur, on peut lire à la fin de Tommy et Grisel ce qui apparaît comme une première esquisse de l'histoire de Peter Pan. Tommy imagine en effet l'histoire de l'enfant vagabond, et je cite, « une rêverie autour d'un enfant perdu et de ses parents qui le recherchent, pris de terreur à l'idée de ce qui a pu lui arriver. Mais il le trouve dans un bois. Il chante joyeusement parce qu'il est libre. Il craint d'être de nouveau mis en cage. Alors il s'éloigne d'eux en courant à travers les bois, et il court encore, ne chantant que pour lui-même, parce qu'il est libre. » En 1897, alors qu'il travaillait à la rédaction de Tommy et Grisel, Barry fit une rencontre décisive dans les jardins de Kensington. Celle de George, l'aîné du couple Arthur et Sylvia Llewellyn Davis, alors âgé de 5 ans, et de ses frères Jack, 4 ans, et Peter, encore en landau. Deux autres naîtront par la suite, Michael et Nicolas. Si vous êtes un peu familier de l'histoire de Peter Pan, tous les prénoms que je viens de citer sont les prénoms des personnages dans la pièce. George est le père, Peter, c'est Peter Pan. Jack était surnommé John, qui est l'enfant, le deuxième enfant des Darling. Nicolas est un des prénoms des enfants aussi, et Michael est le dernier. Bref, on a vraiment tout un réseau qui se tisse. Barry avait croisé la route de nombreux enfants, mais aucun d'eux, d'après Andrew Berkin, ne l'avait captivé comme ne le fit George. Le Petit Oiseau Blanc, publié en 1902, met en scène la rencontre et la relation que le capitaine W, un homme doux, un excentrique, un vieux célibataire solitaire, écrivain lui-même et aimant à se promener longuement avec son Saint Bernard, Porthos. Ici, c'est le deuxième chien. Le premier chien de Barry s'appelait Porthos également. Ici, c'est le deuxième. Donc, le capitaine, l'histoire de la relation du capitaine W avec un jeune garçon prénommé David, derrière lesquels le lecteur reconnaît sans peine Barry lui-même et l'aîné des enfants Llewellyn Davis. Le capitaine W est un compagnon de jeu sans pareil pour le jeune David et ensemble, ils inventent et se racontent des histoires. Je dois vous expliquer comment nous procédions lorsque nous inventons une histoire. D'abord, je la lui raconte. Puis, il me la raconte à nouveau, et il faut simplement comprendre qu'il ne s'agit plus, dès lors, de la même histoire. Ensuite, je la lui raconte une nouvelle fois, mais augmentée de ses ajouts, et ainsi de suite, jusqu'à ce que personne ne puisse plus dire si c'est davantage son histoire ou la mienne. Barry était coutumier de ce genre d'assertion et prétendait régulièrement ne pas être l'auteur de ses textes, comme lorsqu'il affirme ne pas se souvenir d'avoir écrit Peter Pan, ou qu'apparaît sur l'affiche de la première production de la pièce, la mention « auteur de la pièce » à côté du nom de Lisa, la servante des enfants d'Harry, enfin, et de la famille d'Harry. Alors, plusieurs de ces histoires concernent le peuple des fées, et au fil de sa lecture du petit oiseau, blanc, le lecteur apprend ainsi que les jardins de Kensington sont peuplés de créatures magiques. Là où il y a des enfants, il y a des fées. Lorsque le premier bébé arrive pour la première fois, son rire s'est brisé en un million de morceaux qui ont sauté de tous côtés. Ce fut la naissance des fées. Et on retrouve vraiment la citation dans le texte de la pièce. Mais bien vite, le lecteur apprend également que les fées ne sont pas les seules créatures extraordinaires à vivre dans les jardins de Kensington. C'est en effet dans Le Petit Oiseau Blanc, à la faveur d'un récit, dans le récit occupant 6 chapitres sur les 26 composant le roman, que le grand public découvre pour la première fois le nom de Peter Pan, qui semble pourtant, comme de tout temps, avoir serpenté les chemins des jardins. Ici, on voit une statue donc de Peter Pan par un artiste de l'époque, une statue qui a été commanditée par Barry lui-même et qu'il a fait installer la nuit du 30 avril 1912. Alors, la nuit est comique parce qu'en fait, c'est la nuit de la fête de Beltane, la fête du renouveau, dans la mythologie celtique. C'est aussi une fête qui serait un moment de grande activité pour les fées. Bref, il construit vraiment la légende de son personnage. Demandez à votre mère si elle a connu Peter Pan lorsqu'elle était petite. Elle vous dira: bien sûr que je l'ai connu, mon enfant. Puis demandez à votre grand-mère si elle a connu Peter Pan lorsqu'elle était petite. Elle vous répondra également: pourquoi cette question? Bien sûr que je l'ai connu, mon enfant. De même, dans le roman Peter Pan, lorsque la mère de Wendy questionne cette dernière sur l'identité de ce jeune garçon dont le nom est griffonné partout dans l'esprit de sa fille, c'est Peter Pan, enfin, maman. Tout d'abord, cela ne disait rien à Madame Darling, mais après avoir cherché dans les souvenirs de son enfance, elle se rappela soudain un Peter Pan qui, disait-on, vivait avec les fées. D'étranges histoires couraient à son propos. On disait notamment que lorsque les enfants mouraient, ils faisaient une partie du chemin avec eux pour leur éviter d'avoir peur. On voit ici Peter Pan se transformer en une sorte de caron. Dans Le Petit Oiseau Blanc, Peter Pan naît un peu prématurément, avant de renaître dans la pièce éponyme, puis dans le roman. Des jardins de Kensington à Au pays du jamais-jamais, deux versions d'un même personnage. Dans le roman de 1902, Peter Pan est un enfant d'une semaine. Dans la pièce de 1904, un enfant sans âge. Il est âgé d'une semaine, et bien qu'il soit né il y a fort longtemps, il n'a jamais eu d'anniversaire. Il n'a pas la plus petite chance d'en avoir jamais un. En voici la raison. Il s'est échappé à l'âge de 7 jours, avant d'être tout à fait humain. Il s'est enfui par la fenêtre et s'est envolé jusqu'au jardin de Kensington. Dans la mythologie barienne, tous les enfants, avant de devenir humains, furent autrefois des oiseaux. Et la raison pour laquelle il y a des barreaux aux fenêtres des nurseries et un pare-feu est la suivante. Les très petites personnes oublient quelquefois qu'ils n'ont plus d'ailes et essaient de s'envoler par la fenêtre ou par la cheminée. Ainsi, Peter Pan s'enfuit par la fenêtre, qui était dépourvue de barreaux. Perché sur le rebord, il apercevait au loin des arbres, sans doute ceux de Kensington. À l'instant où il les vit, il oublia tout à fait qu'il était désormais un petit garçon vêtu d'une chemise de nuit, et il s'envola au loin, par-dessus les maisons, en direction des jardins. Il est extraordinaire qu'il ait pu voler sans ailes, mais l'endroit où jadis elle se trouvait le chatouillait terriblement. Et peut-être pourrions-nous tous voler si nous étions aussi aveuglément convaincus de notre capacité à le faire, autant que ne le fut l'audacieux Peter Pan ce soir-là. Persuadé d'être un oiseau, Peter Pan regagna l'île de la Serpentine, où naissent tous les oiseaux qui deviennent par la suite des petits garçons et des petites filles, et se présenta devant le vieux corbeau Salomon, qui lui révéla le tragique de sa condition. Je suppose, dit Peter Pan, d'une voix rauque, je suppose que je peux encore voler? Pauvre petit, moitié d'homme, moitié d'oiseau, dit Salomon. Tu ne pourras plus jamais voler, pas même les jours de grand vent. Tu devras vivre à jamais sur cette île. » Et je ne pourrai plus jamais aller au jardin de Kensington, s'interrogea dans ton tragique. Comment pourrais-tu y retourner, fit Salomon? Il promit cependant très gentiment d'enseigner à Peter autant de manières propres aux oiseaux qu'il était possible d'en apprendre à un être aussi d'une forme aussi disgracieuse. Alors je ne serai pas tout à fait humain? Demanda Peter. Non. Pas tout à fait oiseau? Non. Qu'est-ce que je serai? Tu seras un entre-deux, répondit Salomon. Et certainement, c'était un sage, car c'est exactement ce qu'il advint. Le lecteur découvre dans les aventures des jardins de Kensington de nombreuses idées qui seront par la suite reprises et développées par Baride lors de la rédaction de Peter Pan. Que l'on songe notamment à la manière dont Peter Pan parviendra finalement à regagner les jardins, à bord d'un nid construit par les grives et d'un cerf-volant pour toute voile, ou encore à l'ignorance du jeune garçon concernant les choses humaines, comme en témoigne la scène du baiser entre lui et la petite Mémie, préfiguration encore de Wendy, mais la petite Mémie restée dans le parc après l'heure de la fermeture. Je vous donnerai un baiser si vous voulez, mais bien qu'il sût jadis ce qu'était un baiser, il l'avait depuis longtemps oublié et il répondit « Merci », puis il tendit la main, pensant qu'elle allait lui offrir quelque chose. Un peu plus loin. « Et si vous avez envie de me donner un baiser, dit Mémie, vous pouvez le faire. » À contre-cœur, Peter commença à enlever le dé à coudre de son doigt, s'imaginant qu'elle voulait le lui reprendre. Évidemment, quand il a tendu la main tout à l'heure, elle voulait pas le vexer, donc elle lui a donné la première chose qu'elle avait sous la main, le dé à coudre. « Je ne voulais pas dire un baiser, dit-elle, précipitamment, mais un dé, qu'est-ce que c'est ?»« C'est cela, dit-elle, et elle l'embrassa. « J'aimerais vous donner un dé, dit Peter gravement, et il lui en donna un. » Cet échange sera rejoué presque mot pour mot par Peter et Wendy, que ce soit dans le roman ou dans le texte de la pièce. Dans cette dernière version, cependant, aucun dé ne sera échangé. Clochette y veillera. Au-delà des chapitres spécifiques consacrés à Peter Pan, plus qu'aucun autre texte, d'après sa traductrice, le petit oiseau blanc est le creuset de l'existence et de l'œuvre de Barry. La conscience dévoilée du narrateur, le capitaine W, fait écho à celle de l'auteur. Dans cet étrange roman, Barry nous donne à lire comme le journal intime de sa relation avec Sylvia Llewellyn Davis et le fils aîné de cette dernière. Il nous expose, sans retenue, son désir de paternité, de maternité peut-être. Beaucoup d'éléments biographiques sont mis en scène et réajustés dans cette fiction. Beaucoup d'autres sont le germe de ses futurs écrits. A Kiss for Cinderella en 1916, Dear Brutus en 17, Mary Rose en 1920, et bien sûr, Peter Pan, dont l'ombre du capitaine Crochet menace déjà dans Le Petit Oiseau Blanc, mais sous les traits du sombre maître d'école, Pilkington, qui hameçonnait les jeunes garçons dans les jardins. En 1901, alors que le couple Barry passait l'été au Black Lake Cottage, leur résidence secondaire, la famille Llewellyn Davis s'installait pour 6 semaines à quelques pas de là, dans le village de Tilford, dans le comté de Surrey, si bien que Barry et les plus grands des enfants pouvaient se voir aussi souvent qu'ils le désiraient. Sur les rives du lac Noir, au cœur d'une épaisse forêt de pins, les aventures des jardins de Kensington reprirent de plus belle. Toutefois, les fées ne furent plus conviées aux réjouissances, pas plus que Peter Pan, semble-t-il. À leur place, des Indiens, des bêtes sauvages, incarnées par Porthos, donc le chien, et des pirates, menés par le capitaine Swarty, autre préfiguration encore du capitaine Crochet, tous rencontrés suite à un terrible naufrage. Les exploits des enfants Davis furent immortalisés par un certain nombre de photographies prises par Barry lui-même et qui composèrent par la suite la meilleure et la plus rare des œuvres de l'auteur, d'après ses livres. Une seule édition de 2 exemplaires, dont l'un fut malencontreusement oublié par le père des enfants lors d'un voyage en train. Pour accompagner les 36 clichés et leurs légendes, une dédicace et une préface et 16 têtes de chapitre, à la manière des romans sonates qu'affectionnait tant Barry, prétendument écrits par Peter, alors âgé de 4 ans et demi. Donc on a ce même processus, ce même tic de « c'est pas moi qui ai écrit ». Les naufragés de l'île du lac Noir, récit des terribles aventures des frères Davis lors de l'été 1901, fidèlement relaté par Peter Llewellyn Davis, Londres, publié par Barry, Gloucester Road, 1901. Gloucester Road, c'était son adresse à l'époque. Dans la dédicace au 5 du texte de la pièce de Peter Pan, Barry revient sur cette œuvre unique et sur ses liens avec l'histoire de Peter. Ils ont l'air d'être tout droit sortis de notre île, n'est-ce pas, tous ces petits habitants de la pièce. À l'approche de Noël, cette même année 1901, Barry emmenait les garçons Davis au théâtre pour y assister à une nouvelle représentation de Bluebell in Fairyland, une pièce destinée au jeune public, ce qui était assez... Elle était assez novatrice pour l'époque, en fait, cette pièce. La soirée enchanta les enfants et Barry, qui se mit dans l'idée d'écrire sa propre fairy play, ce dont témoignent déjà ses carnets de notes début 1902. La première esquisse véritable de ce qui deviendra par la suite Peter Pan apparaît quelques mois plus tard. La pièce, le garçon heureux, un garçon qui ne peut pas grandir, fuit la douleur et la mort, reste sauvage, s'échappe à la fin. Le 23 novembre 1903, Barry commençait à travailler sur la pièce de Peter Pan qui, à ce moment-là, s'intitulait encore simplement Anon Upley. Et vous avez le premier draft, le premier brouillon de cette pièce qui est du coup datée sur le point supérieur 3. En mars 1904, le dramaturge finissait la toute première rédaction de son texte, indécis encore quant au titre. À cette époque, toutefois, il avait pris l'habitude, dans ses carnets de notes, de désigner sa pièce par le titre « Peter et Wendy », qui sera le titre du roman publié en 1911. Par la suite, dans les rééditions, on a oublié Wendy. C'est juste Peter Pan. Lorsqu'il la présenta avec appréhension à son ami et producteur Charles Frohman, elle était titrée « The Great White Father », le grand papa blanc, d'après la traduction française de Thibault. Charles Frohman lui suggéra alors le titre de Peter Pan. Après des semaines de répétitions tenues dans le plus grand secret et de nombreuses réécritures déjà, Peter Pan fut joué devant un public londonien, essentiellement composé d'adultes encore à l'époque, sans doute quelque peu étonné, mais enchanté à la surprise de la troupe même, qui était persuadée qu'il fonçait droit dans le mur avec cette pièce. Si bien que lorsque Nina Bosico, je sais pas comment on dit, l'actrice sous les traits de Peter Pan, s'adressa aux spectateurs et leur demanda, dans l'espoir de sauver Clochette qui avait ingurgité un poison administré par Crochet, s'ils croyaient au fait, si vous y croyez, agitez vos mouchoirs et tapez dans vos mains, un tonnerre d'applaudissements retentit et l'actrice éclata en sanglots sous le coup de l'émotion. Et c'est ainsi que naquit Peter Pan. Je vous remercie de votre attention.